Le bal des jeunes étudiants de la ville de Pyongyang pour célébrer le 8 février significatif a eu lieu le 8 sur les places du monument à la fondation du parti, de l'Arc de Triomphe et ailleurs. Les jeunes étudiants ont rendu la gloire éternelle au président Kim Il-sung qui a créé un exemplaire mondial de l'édification des forces armées révolutionnaires de l'époque d'indépendance, renforcé la puissance militaire sur tous les plans et assuré la garantie militaire puissante pour le progrès victorieux de l'œuvre révolutionnaire Tsu-tse. Le même jour, le bal des jeunes étudiants a eu lieu aussi dans les chefs-lieux de toutes les provinces, villes et arrondissements de tout le pays.